Lorsque Rose avait 20 ans, les garçons étaient contents de tourner Bruno Londres en plaisantant. Jean-Pierre Roupon lui volait un baiser puis s'en allait tant et tant et si bien qu'à la fin, Roupon ne demanda sa main. C'est bien fini, jamais Rose n'aura de bague à son doigt. Pour qu'un anneau tourne à son doigt rose, trop d'amoureuses à la fois, tourner toujours autrefois. D'un petit nom, je suppose, Rose aurait pu se souvenir. Les petites femmes font tourner les hommes en rond, mais quand les hommes ont trouvé les dames, ils s'en vont. Et lorsque dans l'abandon, les petites femmes n'ont plus aucun homme à faire tourner, on dit qu'elles ont mal tourné. C'est bien fini, jamais Rose n'aura de bague à son doigt. Pour qu'un anneau tourne à son doigt rose, trop d'amoureuses à la fois, tourner petit nom, je suppose, Rose aurait pu se souvenir.